Le journal italien Parma Daily a présenté l'écrit de Marcelletti Andrea, chef de la délégation de l'Organisation italienne d'études des idées du Tutsi, qui avait visité la Corée, sous le titre « Monument aux idées du Tutsi à Pyongyang ».